بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, chers frères et sœurs en islam, bienvenue à ce nouveau séminaire, cette nouvelle série de cours, inshallah ta'ala, qui traite de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus spécifiquement qui s'appelle « Les héritiers des prophètes ». Les héritiers des prophètes, ça veut dire, ici on parle de quels héritiers des prophètes, comme on va le voir, inshallah ta'ala, pourquoi est-ce qu'on a nommé cette série de la sorte, inshallah ta'ala, on va le voir en quelque sorte dans quelques instants, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, quand on va arriver au hadith qui est relié à ce titre en tant que tel, mais juste pour vous donner la réponse qui est très brève, les héritiers des prophètes, c'est les savants, c'est les ulama, c'est les personnes qui portent la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, le sujet, n'est-ce pas, le thème de ce séminaire, de cette série de cours qu'on va avoir, inshallah wa ta'ala, c'est la connaissance, c'est le savoir qu'on appelle en arabe al-ilm, qu'on appelle en arabe, inshallah wa ta'ala, comme on va le voir, inshallah wa ta'ala, ça s'appelle al-ilm. On parle de la connaissance, pourquoi ? Une personne pourrait nous dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire toute une série pour parler de la connaissance? Ok, on comprend que la connaissance, c'est bien d'apprendre et d'avancer dans sa vie, c'est tout. La réponse est que non. On va voir, inshallah ta'ala, que probablement, bien sûr, on ne peut pas contrôler ça à l'avance, mais ça va être plus ou moins environ une douzaine d'heures de cours, inshallah ta'ala, qu'on va se partager ensemble. Mais ici, quand on parle de la connaissance, quand on parle de l'ilm, vous allez voir que cette série, inshallah ta'ala, de cours, on va la diviser en quatre chapitres qui sont majeurs. On a quatre chapitres. Le premier chapitre, inshallah ta'ala, comme vous allez avoir tout à l'heure dans les notes de cours, le premier chapitre va porter sur l'importance du savoir, l'importance de la connaissance. Pourquoi est-ce que la connaissance est importante pour moi en tant que musulman? Ça veut dire, c'est quoi ses mérites, qu'on appelle al-fada'il, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi sa valeur, cette connaissance, ce savoir-là? Et est-ce que c'est quelque chose qui est optionnel? Ça veut dire, est-ce que j'ai le choix d'apprendre ou bien de ne pas apprendre ma religion? Après ça, inshallah ta'ala, on va parler, le deuxième chapitre, ça va parler du concept de la connaissance en tant que tel. On va commencer à analyser la connaissance. Voyez-vous, on va voir c'est quoi les différents degrés, les différentes formes de connaissance. On va voir, est-ce qu'on parle de la connaissance qui est reliée à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement, ou bien est-ce qu'on parle de la connaissance au sens universitaire qu'on connaît de nos jours, ça veut dire le fait d'avoir un diplôme, etc., etc. Après ça, inshallah ta'ala, on va passer au troisième chapitre, n'est-ce pas? C'est là où on va tomber vraiment dans le pratico-pratique qui nous parle à nous en tant que personne. Le troisième chapitre va porter sur l'éthique de la connaissance, ça veut dire c'est quoi les adab, ça veut dire c'est quoi les akhlaq. Quand toi tu es une personne qui veut acquérir de la connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quand toi tu es une personne qui a la connaissance, c'est quoi l'éthique que tu devrais avoir. Ça veut dire ce n'est pas suffisant seulement la connaissance, ce n'est pas le fait de prendre un livre et de commencer à lire et de dire je viens d'avoir la connaissance. Il y a une éthique qui doit venir avec cette connaissance, que ce soit à l'étape de l'apprentissage et de l'acquisition, ou bien que ce soit quand tu passes à la prochaine étape et que tu as déjà la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a accordée. Et le dernier chapitre, inshallah ta'ala, le quatrième chapitre, va porter sur la méthodologie de l'acquisition, de l'apprentissage de la connaissance. Ça veut dire, maintenant que tu es motivé, tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux en apprendre plus sur sa religion, quels sont les meilleurs conseils à te donner? Ça veut dire comment avancer rapidement dans ton apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance de ce séminaire, d'où l'importance de consacrer 12 heures à parler de la connaissance avant d'avancer plus avec d'autres séries sur d'autres formes de connaissances sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous allez voir qu'une fois qu'on n'en connaît plus sur la connaissance en tant que telle, ça nous permet de connaître les raccourcis. Ça veut dire c'est quoi les autoroutes, c'est quoi les routes qui mènent le plus rapidement vers l'objectif en tant que tel. C'est parce que tu vas voir, inshallah ta'ala, que si tu ne connais pas beaucoup sur la connaissance, sur la bonne méthodologie de l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas perdre ton temps à lire des livres qui ne vont pas te faire avancer, n'est-ce pas, à apprendre sur des sujets qui ne vont faire aucune différence, etc. Et tu pourrais investir des centaines d'heures de ta vie dans quelque chose qui ne te fait pas rapprocher d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala en quelque sorte. Donc on va commencer, inshallah wa ta'ala, tout de suite avec le premier chapitre. On va parler de l'importance de la connaissance en islam. L'importance de la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et la première section de ce chapitre nous parle de l'importance et des mérites de la connaissance de al-ilm selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'est-ce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de al-ilm, de la connaissance. Voyez-vous, quand on a fait notre série et nos cours sur l'histoire de Al-Qur'an Al-Karim, qu'est-ce qu'on avait mentionné qui pourrait nous rappeler quel a été le premier verset qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam? Iqra, n'est-ce pas? Ça c'est le premier mot qui a été révélé du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wassalam, c'est surat Al-Alaq, quand ça commence avec Iqra. C'est un ordre. Un ordre de faire quoi? De lire. Voyez-vous, ce n'était pas un ordre de faire la salate, de donner la zakat, de dire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a commencé avec l'ordre de lire. Ça veut dire l'obligation d'apprendre. Et on va voir un peu plus tard, inshallah ta'ala, qu'il y a d'autres versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indiquent la même chose. Que apprendre, c'est avant agir. Tu vas apprendre et par la suite, tu vas agir. Donc, ça précède les actions en tant que telles. Et dans un autre verset dans sourate Al-Qalam, parce que ici dans sourate Al-Alaq, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil-qalam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la connaissance. Voyez-vous, mais la voie vers cette connaissance, c'est quoi que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset de sourate Al-Alaq? Allama bil-qalam. C'est quoi le qalam? La plume. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette possibilité d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la plume. Ça veut dire l'écriture. Voyez-vous, donc on parle ici d'écrire, on parle de lire. Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il nous a donné certaines, n'est-ce pas, certains instincts en tant qu'être humain, comme l'instinct de manger, de boire, de penser, etc. Il nous a alhamana, n'est-ce pas, il nous a inspiré en quelque sorte, comme être humain, ce désir, cette volonté de vouloir lire et écrire. Tu as quelque chose à partager avec les autres, tu vas l'écrire. Donc le fait que tu vas l'écrire, il va y avoir une prochaine génération qui va venir après toi, qui va trouver tes traces. Et elle va lire, elle va apprendre. Et c'est comme ça que la connaissance va se passer. Voyez-vous, donc ici déjà on commence à penser au concept de l'héritage. Voyez-vous, on parle des héritiers des prophètes. On va voir que les héritiers des prophètes, comme le prophète alayhi salatu wasalam nous a dit, c'est les ulama, c'est les savants. Mais ici on commence déjà à constater que la connaissance, c'est quelque chose qui s'hérite de génération à génération. Tout comme une génération va venir, va trouver que la génération avant elle, qu'est-ce qu'elle a laissé? Elle a laissé de l'argent, de l'or, n'est-ce pas, toutes choses que tu peux imaginer. Et les gens vont hériter des richesses de leurs ancêtres. C'est la même chose. Le ilm, la connaissance en tant que telle, elle se transfère. Elle se transmet d'une génération à la prochaine. Et dans un autre verset dans sourate Al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par al-qalam, ça veut dire la plume, et par ce qu'ils écrivent. Ici, certains ulama de tafsir, ils ont dit, la plume ici, ça parle de n'importe quelle plume. Ça veut dire de la plume en tant que telle. Ce n'est pas une plume en spécifique, n'est-ce pas? Mais ça parle de la plume en tant que telle. Ça veut dire n'importe quelle plume que les gens, ils écrivent. Wa ma yasturun et ce qu'ils écrivent. Ça veut dire al-ilm en tant que telle. La connaissance, c'est quelque chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré, ça veut dire pour nous rappeler et pour nous montrer en quelque sorte sa valeur auprès de lui subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme on a parlé du début de la révélation au prophète alayhi salatu wassalam, on peut parler aussi du début de la création, du début de la création. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam alayhi salam, le premier être humain et le premier prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Adam alayhi salam a reçu comme chose qui lui a été donnée spécifiquement à lui par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à Adam alayhi salam la connaissance de toute chose. Ça veut dire, l'ulama, les savants de tafsir, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré à Adam alayhi salam toute chose qui va exister jusqu'au jour dernier. Ça veut dire, ça c'est une table, ça c'est un lion, ça c'est un tigre, ça c'est un chat, etc., etc., etc. C'est le ilm que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Adam alayhi salam. Après ça, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit? ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait montrer le mérite en quelque sorte, n'est-ce pas, la valeur de Adam alayhi salam, cette nouvelle créature qui est l'être humain. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré ces mêmes créatures aux anges, al-malaika alayhi salam, et il leur a dit أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Nommez-moi le nom de ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? « قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا. » Ils ont dit que Dieu, que toi, soit exalté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté. On n'a pas de connaissance, sauf la connaissance que tu nous as accordée. Ça veut dire, ils ont dit, en d'autres termes, on ne sait pas le nom de ces choses-là. Ça veut dire, Adam alayhi salam s'est distingué sur les anges, n'est-ce pas, sur al-malaika alayhi salam, par sa connaissance de toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées. Et la même chose, après Adam alayhi salam, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a, en quelque sorte, préféré sur les autres créatures, comme les animaux, etc., par la raison, par la connaissance. Voyez-vous, les animaux en tant que tel, en tant que créatures d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une certaine connaissance de par l'inspiration, encore une fois, de par, n'est-ce pas, de par l'instinct animal, comme on l'avait déjà mentionné, voyez-vous, un instinct qui est naturel, mais cette connaissance est habituellement limitée à leur façon de vivre. Ça veut dire, l'animal, quand il va naître, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le ilham de comment il mange, comment il dort, comment il marche, etc., etc. Mais est-ce que l'animal peut faire des recherches, il peut faire des réflexions comme ça, il va développer des choses et les passer de génération en génération? Là, voyez-vous, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré l'être humain par cette aptitude de pouvoir connaître, de pouvoir apprendre et de pouvoir partager avec les autres la même information. Et celui qui ne profite pas d'une telle distinction que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, il est en train de réduire sa valeur humaine que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée en quelque sorte. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Isa alayhi salam, Jésus que la paix règne sur lui, le prophète d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce la nouvelle à Maryam, Marie, la mère de Isa alayhi salam, ou alayhima as-salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce la venue prochaine de Isa alayhi salam et il lui fait l'imtinan. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que voilà ce, quand tu parles de l'imtinan, voyez-vous, c'est comme tu vas dire par exemple à quelqu'un, regarde mon frère, tu sais quoi, ne t'en fais pas, etc., que tu as besoin, mettons que ton ordinateur s'est brisé, ne t'en fais pas mon frère, tu sais quoi, moi j'ai déjà fait la commande d'un nouvel ordinateur pour toi et ça va être un ordinateur qui est extrêmement puissant, etc., je l'ai fait seulement pour toi, etc., ce qu'on appelle l'imtinan. Voyez-vous, on appelle ça al-imtinan, ça veut dire que je suis en train de faire les louanges de cette chose-là que je viens de lui accorder. Walillahi ta'ala al-mathalu al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de parler à Maryam alayhi salam. Il lui parle des attributs distinctifs de Isa alayhi salam, de la valeur de Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikmata wal-tawrata wal-injil. Il va lui apprendre le livre, la sagesse, ainsi que la Torah et l'évangile. Il va lui apprendre. Yu'allimuhu. Voyez-vous, yu'allimuhu. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit à Maryam alayhi salam, je vais te donner un enfant qui est Isa alayhi salam, qui est fort et qui est en bonne santé et qui est telle chose là. Le plus important, c'est la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à Isa alayhi salam la connaissance du livre de la sagesse, de la Taurat et de l'Injil. La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait l'imtinan à nous. Il nous rappelle, subhanahu wa ta'ala, sa bonté envers nous quand il nous a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukum al-kitaba wal-hikma. Il dit, subhanahu wa ta'ala, comme nous avons envoyé un messager de chez nous vers vous. Et ce messager-là, il va faire quoi? Ça veut dire qu'il vous apporte quoi de plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Yatlu alaykum ayatina. Il va vous faire la récitation de nos versets, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il transmet le livre en tant que tel. Wa yuzakkikum. Il va vous purifier en tant que personne. Et après ça, il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa yuallimukum al-kitaba wal-hikma. Il va vous apprendre le livre, ça veut dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la hikma, la sagesse, qui est la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Voyez-vous, le prophète alayhi salatu wasalam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un prophète, entre autres, pour nous enseigner, pour nous donner la connaissance, al-ilm. Voyez-vous, donc ça nous rappelle l'importance de la connaissance en tant que telle, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, par exemple, dans ce verset, « Et je vais vous envoyer un prophète qui va vous réunir, qui va vous ramener des richesses, et qui va vous construire une nation, etc. etc. » Il y a plus important que ça qui est l'apprentissage, la connaissance. Le prophète, alayhi salatu wasalam, est venu pour nous apprendre notre religion, alayhi salatu wasalam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam avait un problème avec qui dans son entourage? Avec son père. Voyez-vous, son père était un polythéiste. Ce n'était pas un monothéiste qui faisait le tawhid d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Alors il voulait inviter son père à suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam il a dit à son père? Il a dit, ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Il a dit, oh mon père, gentiment comme ça, il a dit, oh mon père, j'ai reçu de la connaissance que toi tu n'as pas reçu. Voyez-vous, tu es mon père, tu es plus âgé que moi, etc., etc. Mais il y a quelque chose ici qui a fait toute la différence. Inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika. J'ai reçu de la connaissance que toi tu n'as pas reçu. Alors, fattabi'ni, suis-moi, ahdika siratan sawiyya. Je vais te guider sur le bon chemin. Ça veut dire par la volonté d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire ici, c'est le père qui devra suivre son fils à cause de la connaissance, à cause de al-ilm. Voyez-vous encore une fois les vertus de al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Baqara, il nous parle de Banu Israël, des fils d'Israël. Et il nous parle de un homme qui s'appelle Talut. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ Talouta Malika. Alors les fils d'Israël, ils demandaient à leur prophète, comme on le sait tous, et on va le voir, inshallah ta'ala, que lors du temps de Banu Israël, à chaque fois qu'un prophète mourait, Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyait un autre prophète pour les diriger. Ça veut dire qu'ils étaient toujours dirigés par un prophète en quelque sorte. Dans cette umma, après le prophète, il n'y a plus de prophète, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de suivre les ulama, les savants, comme on va le voir, les personnes de connaissance. Ici, le prophète de Banu Israël, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nommé dans ce verset, c'était l'un des prophètes de Banu Israël, il leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de prendre un homme qui s'appelle Talut. Comme un malik, comme un roi. Ça veut dire que ça va être lui votre chef. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Ils ont dit non, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que cet homme-là qui est Talut, on va l'accepter pour qu'il soit notre dirigeant, alors que nous on est plus aptes à être les dirigeants, ça veut dire qu'il y en a qui sont meilleurs que lui. Pourquoi? Regardez ce qu'ils disent. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Ce n'est pas quelqu'un de riche. Voyez-vous, c'est comme de nos jours. C'est comme dans les grands pays de nos jours, etc. N'est-ce pas? Même s'ils disent la démocratie et que c'est le peuple qui dirige, etc. Est-ce que c'est vrai? Non. Pour que tu puisses avoir cette chance, n'est-ce pas, de devenir, mettons, un chef d'État, un dirigeant, quelque chose comme ça. Déjà, en général, tu dois être un millionnaire et quelqu'un qui est dans la crème de la crème, ça veut dire dans le commerce et dans le business, etc. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'aura pas la chance. Les gens vont lui dire, mais toi, tu n'es pas quelqu'un qui est riche. Alors, pourquoi est-ce que oserais-tu demander de devenir notre dirigeant? C'est la même chose. Banu Israël, ils ont dit, walam yu'ta sa'atan min al-mal. Ce n'est pas quelqu'un qui est riche en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il a dit, ce prophète, alayhi salam? Qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wa al-jism. Il a dit, non, certes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préféré sur vous. Et il lui a donné, il lui a donné comme distinction en quelque sorte, un supplément, une force. Il est plus fort que vous en termes de 1 et 2. 2 c'est quoi? Wal-jism. Physiquement, il est plus fort que vous. Mais avant de mentionner al-jism, avant de mentionner la force physique, qu'est-ce que ce prophète il a dit? Wazadahu bastatan fi al-ilm. Et il l'a distingué par son savoir, par sa connaissance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est puissant dans sa connaissance, dans son savoir, dans son ilm, et c'est quelqu'un qui est puissant physiquement. Alors c'est lui qui doit être votre dirigeant en quelque sorte, même s'il n'a pas l'argent, même si ce n'est pas quelqu'un qui est une personne qui est riche en quelque sorte. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha, wallahu wasi'un alim. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui donne l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam de dire wa qul, et dit Rabbi zidni ilma, wa qul Rabbi zidni ilma. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, tu dois dire ô mon Seigneur, donne-moi plus de connaissances. Fais-moi accroître en termes de connaissance, ça veut dire de ilm, voyez-vous. Et les ulama, ils ont dit, si on regarde dans tout le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas trouver que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de demander plus de telle ou de telle chose, sauf al-ilm, sauf la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit au prophète alayhi salatu wassalam, tu es mon prophète, demande-moi plus d'argent et je vais t'en donner. Demande-moi plus d'enfants et je vais t'en donner plus de puissance et je vais t'en donner. Là, il a dit subhanahu wa ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Malgré que en réalité la chose avec laquelle le prophète alayhi salatu wasalam s'est distingué sur les autres personnes, c'est al-ilm, c'est la connaissance, c'est parce qu'il reçoit la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, il a reçu l'ordre de demander encore plus de connaissance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un dua que vous pouvez mémoriser par cœur. C'est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux dire dans ton dua, n'est-ce pas, quand tu fais ta salat, Rabbi zidni ilma, et Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah ta'ala, il va te donner plus de connaissances, incha'Allah ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, encore une fois, comme on le fait toujours, tous les versets, vous allez les avoir, incha'Allah ta'ala, dans le document de référence par la suite, incha'Allah, avec leur numéro et de verset et de chapitre, incha'Allah ta'ala. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ça, c'est relié au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois on va trouver des amthals, ça veut dire des analogies. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'exemple de telle chose et de telle chose, c'est comme l'exemple de telle et telle et telle et telle situation. Voyez-vous, ça fait partie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous parle ici des gens qui sont les chanceux, ceux qui comprennent ces versets qui nous donnent des analogies, des paraboles en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Que certes, ce sont seulement les personnes douées de connaissances qui vont les comprendre ces paraboles. Voyez-vous, c'est pour ça que les paraboles, les analogies dans le Coran Karim, c'est certains des versets les plus difficiles à comprendre. Parfois, tu vas les lire, tu vas dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est parce que ça, c'est le haut, n'est-ce pas? C'est le haut niveau de la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte. C'est pour les gens qui sont doués de connaissances. Si tu en connais beaucoup sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa religion, etc., c'est là où tu vas bien comprendre ces analogies, en quelque sorte. Ça veut dire, c'est une incitation, c'est un encouragement à apprendre plus la religion pour pouvoir atteindre ce niveau où tu vas bien comprendre les analogies de Al-Qur'an Al-Karim. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Certes, ce sont seulement et seulement et seulement الْعُلَمَاء, ça veut dire les gens de savoir, les gens de connaissance qui ont la khashya d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la khashya d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la crainte. Voyez-vous, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte, c'est différent de la peur. Nous avons al-khashiya, qui est la crainte, et nous avons la peur qui s'appelle en arabe comment ? Al-khawf, n'est-ce pas la peur ? La peur, la crainte, c'est une peur qui vient avec une connaissance. Tandis que la peur, c'est une peur. Voyez-vous ? Il y a des choses qui te font peur dans la vie, n'est-ce pas? Tu vas voir un animal qui court derrière toi, quelqu'un qui crie sur toi, tu vas avoir peur, n'est-ce pas? De façon qui est soudaine comme ça, quelqu'un commence à crier sur toi comme ça, tu vas avoir peur. Voyez-vous, on appelle ça une peur. La crainte, c'est une peur qui est avec une connaissance. Et c'est pour ça que c'est seulement pour les gens de savoir. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a peur en connaissance de cause. Et c'est pour ça que parfois, n'est-ce pas, tu vas dire dans ta vie, je crains que telle chose va arriver, mettons. Voyez-vous, même dans la vie de tous les jours, parfois tu as peur parce que c'est quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer, c'est quelque chose comme ça de naturel, n'est-ce pas? Un chien, il court derrière toi, tu vas courir, tu vas avoir peur. Voyez-vous, ça c'est une peur. Mais parfois, tu ne vas pas avoir peur et les gens autour de toi ne vont pas avoir peur. Mais il y a des gens qui en connaissent plus sur un sujet spécifiquement que les autres n'en connaissent pas et eux, ils vont craindre. Des experts en finance, en économie, qui vont dire, nous, on craint un grand crash boursier qui pourrait arriver très bientôt. Ils le craignent, c'est par connaissance. Toi, tu vas les entendre parler, tu ne comprends rien. Tu vas dire, c'est quoi qu'ils sont en train de dire? Alhamdulillah, tout le monde vit normal, on mange normal, c'est normal, j'ai de l'argent dans mon compte, etc. Voyez-vous? Mais lui, il craint, c'est parce que c'est par en connaissance de cause. Il sait pourquoi, c'est quoi qui justifie cette crainte en quelque sorte. C'est la même chose pour la foi en tant que telle. Al-khashiyah d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est réservé aux ulama qui, eux, connaissent vraiment Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est clair? Non. Est-ce que c'est clair la différence entre al-khawf et al-khashiyah? Oui. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il va élever ceux d'entre vous qui ont l'iman, الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, ceux d'entre vous qui ont la foi, ça veut dire les croyants qui sont sincères. Mais qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il élève les croyants. Mais à l'intérieur même des croyants, il y en a qui vont être élevés encore plus. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. Ainsi que ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont le savoir. Ça veut dire, si tu as la foi, tu as l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'élever. Mais si tu as la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'élever encore plus dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà auprès de lui, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an, quand il a lu ce verset, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il a fait comme ça un petit commentaire d'explication. Il a dit, al-mu'minu al-'alimu fawqa alladhi la ya'lamu darajat. Il a dit, le croyant qui a la connaissance est plus haut que le croyant qui n'a pas la connaissance de plusieurs niveaux, ça veut dire auprès d'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Non. Regardons comment les ulama, Allah subhanahu wa ta'ala, nous parle de certains versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont al-mutashabihat. Al-mutashabihat, ça veut dire les versets qui sont à équivoque. Inch'Allah ta'ala, quand on va faire la deuxième partie sur les sciences du Coran, on va parler de cette question en détail. La différence entre les versets qu'on appelle al-muhkamat et les versets qu'on appelle al-mutashabihat, ça veut dire qui sont à équivoque. On va parler de ça en détail, ce n'est pas notre sujet, c'est parce que c'est un long sujet, inshallah ta'ala, qu'on va couvrir. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a révélé à toi, ça veut dire au prophète alayhi salatu wasalam, le livre, al-kitab, le Coran Karim, et que ce livre-là, il contient deux types de versets. La première catégorie de versets sont les versets, les ayats, qui sont de nature qu'on appelle al-muhkamat. Al-muhkamat, ok? Je vais vous donner une explication très brève, comme ça, sans aller dans les détails, on va laisser ça, ce n'est pas le sujet de ce séminaire. Mais al-muhkamat, ça veut dire les versets qui sont clairs, qui sont directs. Ça veut dire, qu'est-ce que ça peut dire ce verset-là? Ça peut dire A. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce que ça pourrait aussi vouloir dire? pas autre chose. Ça veut dire le seul sens qui est possible, c'est ah, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimu as-salat, faites la salat, hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta. Ça veut dire préservez votre prière en termes d'horaire. Est-ce que ça, c'est des versets qui sont clairs? Oui, sont clairs, n'est-ce pas? Qul huwa Allahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul, il est l'unique. C'est des versets qui sont clairs, n'est-ce pas? Hunna ummul kitab, il dit subhanahu wa ta'ala, et que ces versets-là, qui sont les versets qui sont clairs, al-muhkamat, ils constituent l'essentiel du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire la majorité des versets. C'est ça la nature générale de la majorité des versets. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi révélé certains versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont wa ukharu mutashabihat, des versets qui sont à équivoque. N'est-ce pas des versets qui sont à équivoque? Et ça, c'est une minorité de versets. Qu'est-ce que ça veut dire un verset qui est à équivoque? Ça veut dire un verset qui voudrait dire, selon la langue arabe, soit A ou bien soit B. Voyez-vous? Est-ce que ce verset peut nous dire A? Oui, peut-être que c'est ça le sens. Et est-ce que ce verset-là peut nous dire B? Oui, peut-être que c'est ça le sens. Alors, comment est-ce que tu vas distinguer entre le sens A et le sens B? Tu vas dire, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire ici A ou bien il veut dire subhanahu wa ta'ala B? Alors, il y a deux tendances, deux types de personnes. Il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ceux qui ont un égarement à l'intérieur de leur cœur, les gens qui sont déjà prédisposés, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui veut dévier du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Il va courir, il va chercher juste les versets qui sont à équivoque. اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Pour causer la fitna, pour causer en quelque sorte le doute, la confusion sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour dévier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de son chemin. Comme on va le voir, inshallah ta'ala, dans d'autres séminaires, ce n'est pas notre sujet encore une fois, parce que ça aussi, ça entre dans le sujet de l'aqida, de la croyance, n'est-ce pas? Le développement des sectes, comment est-ce que les sectes se développent? Comment est-ce qu'il y a des sectes qui se développent comme ça et qui sortent du chemin du prophète, alayhi salatu wasalam? Toute secte, habituellement, elle va te trouver une preuve, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un comme ça qui invente une secte, il va te dire que non, moi je suis pas, je ne suis ni la sunna ni le Coran mettant. Ma secte, telle et telle et telle croyance, c'est parce que je pense que telle et telle et telle chose. Non, il va toujours essayer de te trouver un verset ou deux versets. Mais tu vas voir que toute sa secte, toute sa pensée, toute sa croyance orbite autour de un ou deux ou trois ou quatre ou cinq mettant versets qui sont spécifique. Ça veut dire, il a cherché dans tous les livres, dans tout le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cherché comme ça certains versets. Ces versets-là, il les a pris comme ça, il a complètement tordu le sens, comme ça, il t'a dit, ah, regarde, c'est le Coran qui le dit, voyez-vous? Et les autres versets? Non, mais c'est, regarde ces versets-là, regarde. Ça te prouve que ça, c'est la vérité, voyez-vous? Et il va mettre tout le reste du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de côté. Ce n'est pas notre sujet, c'est un sujet qui est relié sur al-aqida. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Ceux qui sont الرَّاسِخُونَ, ça veut dire des personnes qui sont bien, des personnes qui sont bien implémentées dans la connaissance, dans al-ilm. الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, ça veut dire, ça c'est le haut degré de al-ulama, pas seulement les ulama, mais les gens qui sont au haut niveau de la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils disent? يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ils disent, on croit à tout. Que tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient de la même source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ce verset-là équivoque, il veut dire soit A et soit B, qu'est-ce que je vais faire moi pour comprendre est-ce que c'est A ou c'est B? Est-ce que je vais prendre la mauvaise possibilité, je vais dire, ah, c'est ça ce que le Coran il est en train de dire? Non. Je vais prendre l'option A et l'option B et je vais les comparer au message des versets qui sont al-muhkamat, des versets qui sont clairs. Et je vais dire, puisque B, ça va à l'encontre de ce qui est mentionné dans les autres versets qui sont clairs, qui sont directs, alors ce n'est pas B qui est voulu dans ce discours d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire, c'est A. C'est parce que c'est A qui va en accordance avec les autres versets qui sont al-muhkamat. Mais c'est qui va avoir cette réaction-là? C'est les personnes qui sont de connaissance et parce qu'ils comprennent comment comprendre et comment interpréter le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et regardez dans un autre verset, la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'ulama. Il nous parle de l'ulama, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَلْيَعْلَمَ Et pour que ceux qui ont le savoir, qui ont la connaissance, vont confirmer que ça c'est la vérité de ton Seigneur. Ça veut dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le message, ils vont dire ça c'est la vérité. Ces versets-là que le prophète alayhi salatu wasalam a récité, c'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ Et ils vont y croire et leur cœur vont en quelque sorte s'humilier devant le message d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Voyez-vous donc ici la personne de connaissance, le plus qu'elle va recevoir de versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus que ça va accroître son iman, n'est-ce pas? Il comprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait où placer les choses à la bonne place, comme on va le voir plus en détail tout à travers de nos séminaires, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais la personne qui n'a pas la connaissance, ça veut dire quelqu'un qui a un zayr, qui est égaré à l'intérieur de son cœur comme ça, n'est-ce pas? Comme beaucoup de personnes de nos jours, n'est-ce pas, comme on l'a mentionné, qui sont comme ça, entre guillemets, musulmanes, mais qui ne connaissent presque rien sur leur religion et qui ne fournissent aucun effort pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et là, il va, il regarde la télé, il lit dans les journaux, n'est-ce pas? Il va même lire des livres mettant qui attaquent l'islam, etc., etc. Il va dire, je suis musulman, mais je veux quand même entendre ce que les autres ont à dire. Mais le problème, c'est qu'il n'apprend pas sa propre religion. Il ne veut pas écouter qu'est-ce que sa propre religion, elle dit. Donc, il va aller à son ennemi pour lui dire qu'est-ce que ma religion, elle dit de moi. Voyez-vous, c'est comme quelqu'un, imaginez quelqu'un comme ça. Quelqu'un, il devient un adolescent comme ça, il commence à comprendre la vie, etc. Il veut en apprendre plus sur son père et sa mère, ses propres parents. Sur leur vie antérieure, comment est-ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes, etc. À la place d'aller parler avec ses propres parents pour leur dire qu'est-ce que vous avez fait, c'est qui, c'est quoi votre idéologie, c'est quoi votre vision de la vie, etc. Quelles sont vos valeurs? Il va aller parler à un ennemi de ses parents, quelqu'un qui avait des problèmes avec eux. Comme il y a parfois, n'est-ce pas, dans les familles, un oncle, je sais pas moi, un cousin, quelque chose comme ça, des problèmes comme ça, des gens qui se parlent pas depuis des années. Et il va lui dire, est-ce que tu peux me parler de mes parents? J'aimerais ça en apprendre plus sur mes parents. Et il va commencer à lui parler. Ton père, c'est quelqu'un, c'est pas une personne de confiance, et telle chose. Et il fait. Et il va te dire, ça c'est une... J'essaie seulement d'être ouvert d'esprit. Je veux m'ouvrir aux autres pour pouvoir comparer, etc. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que c'est logique? Commence à apprendre de ta source et après ça, va comparer avec les autres, si tu veux, voyez-vous. Mais il y a des personnes qui n'en connaissent rien sur leur propre religion. Ils connaissent probablement et peut-être même pas comment commencer à lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques versets. Et après ça, il va se faire bombarder par, comme ça, des shubuhat, voyez-vous, des fausses informations. À la langue, qu'est-ce que ça va former ça? Ça va former à l'intérieur toute une machine, toute une construction à l'intérieur du cœur qui est complètement mélangée. Et dévié du chemin d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc lui-même de façon inconsciente, sans même réaliser et sans même peut-être parfois vouloir l'admettre, il va avoir des doutes sur sa propre religion. Et lui-même quand il va vouloir lire sur sa religion, lui-même il va se mettre à la défensive. Ça veut dire il va ouvrir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, il veut dire un jour comme ça, je veux juste lire ce que le Coran il dit comme ça. Il va l'ouvrir un peu comme ça, déjà dans son cœur, il est prédisposé à toujours faire la mauvaise interprétation. Dans son cœur, il va se dire, bon, le Coran, c'est un livre qui est extrême. L'islam, c'est une religion qui est dure. C'est pas quelque chose qui est cool. C'est contre la vie, etc. Il y a beaucoup d'injustice contre la femme, contre les autres, etc., etc. Voyez-vous, de façon inconsciente. Et il commence à lire. Et à chaque verset qui passe, il va lui donner la pire interprétation que tu peux imaginez, voyez-vous donc, lui il est en train de penser que c'est, il est en train de faire la bonne interprétation. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça ne va que confirmer sa son égarement du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire, ah, c'est ça, ce verset-là, c'est exactement, c'est comme ils disent dans les médias. Tu vois, tuer, ça dit tuer. Ben, c'est ça, ils disaient tuer. Ça parle, subhanallah, ça dit tuer. C'est extrême. Il va parler, n'est-ce pas, etc., etc., etc. Donc, ça va créer un égarement dans le cœur de la personne. Mais la personne qui a la connaissance, qui a l'ilm, qui sait comment comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment comprendre le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, bien au contraire. À chaque fois qu'il va lire un verset et qu'il va comprendre un verset, ça va lui confirmer quelque chose qu'il avait déjà avant ça, et ça va lui donner encore plus de iman, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous renseigne sur les croyants dans son livre subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Donc ici, pourquoi est-ce qu'on a mentionné ces deux versets? C'est parce que ces deux versets nous indiquent que al-ulama, que les personnes de connaissance, n'est-ce pas, c'est où, c'est dans quel type de situation qu'ils se distinguent. Si, bien sûr, il y a des situations qui pourraient comme ça nous citer certaines situations dans lesquelles une personne de connaissance va se distinguer. T'as un être humain. Les deux ont l'air normaux, là. N'est-ce pas, il y a quelqu'un qui est grand, l'autre il est petit, n'importe quelle chose. Mais en termes de connaissance, c'est dans quelle situation que la personne de connaissance va se distinguer? Faire les choix dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un bon exemple. Ça veut dire de façon personnelle comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que je devrais faire tel contrat ou bien je ne devrais pas le faire, etc., etc. Donc telle personne va le faire. Elle a en quelque sorte certaines règles qui régissent sa réflexion. L'autre, elle n'en a pas. Quoi d'autre? Comportement de la personne. Ça, on va le voir, inshallah ta'ala, quand on va parler de l'impact pratique de la connaissance sur la personne. Quoi d'autre? Oui. Très bien, voyez-vous. Donc, il y a d'autres situations, bien sûr. Quelqu'un, il vient demander une question, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est halal, ça, c'est haram? L'un va dire, ah, il paraît que l'autre, il va dire, ah, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit telle et telle et telle chose. Et les ulama, ils ont trois opinions là-dessus. Il y a l'opinion du Maliki, etc. Là, je vais dire, lui, il a de la connaissance. Mais il y a plus que ça, comme la sœur, elle a dit, c'est dans les situations d'ambiguïté, dans les situations de al-fitan, n'est-ce pas? Quand il y a un orage. Voyez-vous, quand les choses commencent à trembler, n'est-ce pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle lors du temps du prophète alayhi salatu wasalam, comme dans Ghazwat al-Ahzab, wa tadhunnuna billahi adhununa, n'est-ce pas, les hunalika btuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida, c'était comme un tremblement de terre, n'est-ce pas, pour les croyants lors de cette Ghazwat de Al-Ahzab, quand tous les alliés se sont alliés pour attaquer la Médine contre le prophète, alayhi salatu wasalam, là, les gens, ils ont commencé à se dire, il y a quelque chose de sérieux. Et les munafiqines, les hypocrites, ça a commencé à sortir, ce qu'il y avait dans leur cœur. Ah, c'est ça, cette religion nous mène vers le trouble, etc. Et c'est ça, ce prophète qui nous parlait toujours de Allah est avec nous, il va nous donner la victoire, etc. Oublie tout ça, voyez-vous? Donc ça, c'est les situations d'ambiguïté, de Al-Fitan. Et dans ces situations-là, les gens vont, la plupart des gens vont tomber, c'est KO, direct, n'est-ce pas? Al-fitna, elle vient, te frappe, tu tombes KO, n'est-ce pas? La seule personne qui peut faire face à al-fitna, les ambiguïtés, c'est qui? C'est la personne de connaissance. C'est pour ça que l'ulama, ils disent quelque chose comme ça de très intéressant, c'est une règle que tu dois écrire, c'est pas dans les notes de cours, c'est pas dans le vif du sujet, mais c'est une règle à écrire et à apprendre, toujours. Ils disent que al-fitna, ça veut dire les situations de troubles, les grosses épreuves, comme ça, quand on parle de al-fitna, on parle des grosses épreuves. Les grosses épreuves, c'est, n'est-ce pas, c'est une guerre, quelque chose qui est complètement inattendu, voyez-vous, qui va changer complètement le cours de la vie des gens et que les gens, ils disent, on ne sait plus c'est qui a raison et est-ce que c'est lui, c'est l'autre personne, je ne sais plus quoi faire, ça, on appelle ça une fitna. Al-ulama, ils ont dit que al-fitna, quand elle arrive, c'est seulement les savants qui vont la voir. Ça veut dire, elle arrive comme ça, les savants vont la voir. Ils savent que ça c'est un camion qui arrive vers toi comme ça à 120 à l'heure. Voyez-vous? Les awam, la majorité des gens, ça veut dire la masse, ne va pas la voir. La masse, elle va la voir seulement quand elle va quitter. Une fois qu'elle a fait un dégât comme ça, les gens ils vont voir à droite, à gauche, des cadavres, des gens par terre, etc. Il y a une fitna qui vient de passer, voyez-vous? Alors que l'ulama, ils vont voir ça à l'avance, c'est parce qu'il y a les signes qu'on peut voir à l'avance comme ça, c'est une fitna qui s'en vient, tu dois te préparer. Et ça, c'est très important pour nous de nos jours, surtout quand, on le sait, on parlait hier dans la halaqa, n'est-ce pas, quand on a parlé de ça, on sait que le plus qu'on avance, le plus qu'on se rapproche de la fin des temps, des signes majeurs de la fin des temps. Et le prophète, comme on l'a mentionné, il nous a demandé de prendre ça au sérieux. Même Ad-Dajjal, même l'antéchrist qui n'est pas encore arrivé et qui même lors du temps du prophète n'était pas arrivé, le prophète il parlait à ses compagnons du danger de Al-Fitna, de Al-Masih Ad-Dajjal, ça veut dire de l'épreuve de Ad-Dajjal, de l'antéchrist, sans parler des autres fitnes qui viennent avant ça. Le prophète nous a renseigné que le plus que tu avances dans ta vie, le plus que... Pas dans ta vie personnelle, mais le plus que l'humanité va avancer vers la fin des temps, le plus que les épreuves vont s'accroître, voyez-vous, et se multiplier. Et c'est ça ce qu'on voit de nos jours, voyez-vous, c'est à chaque jour, c'est le monde, il évolue de nouvelles choses comme ça, et les gens sont de trouble en trouble en trouble en trouble, voyez-vous. Je vais juste vous donner un exemple comme ça pour sortir un peu du théorique, entrer directement dans la réalité qu'on vit à chaque jour, voyez-vous. On est à quelle date aujourd'hui? Le 15, ok, le 15, donc ça fait 17 décembre, ça veut dire ça fait 2 ans moins 2 jours. Qu'est-ce qui est arrivé il y a de cela 2 ans moins 2 jours? Il y a de cela 2 ans moins 2 jours, il y a un homme comme ça qui s'est immolé dans un marché, n'est-ce pas? Quelque part en Tunisie. Le monde marchait dans cette direction comme ça, tout le monde, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose qui est arrivé, un seul homme comme ça, qui était frustré parce qu'il était traité injustement, etc. Il s'est immolé, le monde, l'humanité a pris une direction qui est complètement différente, voyez-vous. Et ça pour qu'il n'y ait pas de personne qui va mal interpréter ça, c'est pas l'action en tant que telle. On ne va pas parler de ce sujet, c'est un autre sujet, on parlait mille et une fois, on a déjà parlé de ça avant ça. On n'est pas en train de dire que la révolution, etc., c'est une fitna, etc. Mais non, c'est le cours des événements, voyez-vous, c'est ce qui vient avec ça qui sont des fitnes. Ça veut dire que c'est des causes et des conséquences. Les fitnes, c'est des choses qui sont déjà écrites dans le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, ce qu'on veut dire, c'est que tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer après-demain, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, n'est-ce pas, le mois prochain, inshallah, quelque chose comme ça qui peut sortir de nulle part, qui va changer complètement la donne est le cours des événements dans le monde entier. Et toi, tu vas te dire, mais c'est qui dit vrai, c'est qui dit faux, qu'est-ce qui se passe, je ne m'attendais pas à ça, etc., etc. C'est quoi qui va te sauver dans de telles situations? C'est la connaissance. C'est l'ilm, c'est parce que quand tu as la connaissance dans de telles situations, si tu t'es déjà préparé à comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à comprendre comment le monde il fonctionne, etc., etc., dans de telles situations, même si tu n'as pas la chance sur place de te révéler à des savants, etc., là, ta connaissance, elle va sortir. Elle va t'apporter les réponses par elle-même, en quelque sorte. Est-ce que c'est clair? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? « Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizu al-hakim » Il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala « Shahid Allahu » Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne. Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne. Il témoigne que quoi? Donc ça, c'est un témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un témoignage qui est... C'est le plus grand témoignage, voyez-vous? Sur la chose la plus grande. C'est le témoignage de l'être suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la chose la plus grande et la plus importante qui est quoi? Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa. Que la ilaha illallah. Qu'il n'y a point de divinité qui a le droit d'être adoré à part Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Voyez-vous, c'est le Dieu véridique subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire, il n'y a pas un témoignage qui est plus important que ça. Tu ne peux pas imaginer un témoignage qui est un témoignage qui est plus grand que la ilaha illallah et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui le témoigne. Mais après ça, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? Wal malaikatu, ainsi que les anges, ça veut dire ils témoignent de la même chose. Wa ulu al-ilm, ainsi que les savants, ils témoignent de la même chose. Après ça, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? Qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim, encore une fois, la ilaha illallah. Ça veut dire, après les anges et après al-ulama, le témoignage des autres, c'est pas mentionné, c'est parce que ça ne fait pas la différence. Voyez-vous, c'est parce que le malaïka alayhi salam, c'est les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont des créatures qui sont pures en quelque sorte, qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, qui voient l'invisible, etc. Et c'est parce que al-ulama, c'est les gens qui parlent en connaissance de cause. Ils ont vu les preuves, Ils peuvent te prouver que la ilaha illallah, qu'il n'y a personne qui a le droit d'être adoré à part Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire les autres êtres humains, malgré que leur témoignage, leur la ilaha illallah, c'est important pour nous en tant que personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas quelque chose qui va être bénéfique aux autres. Mais la preuve, ça vient du témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis du témoignage de l'malaïka alayhi salam, et puis du témoignage des gens de l'ilm, les gens du savoir. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala les a pris comme des témoins sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce que même dans cette vie du bas monde, c'est eux qui témoignent que la ilaha illallah, et c'est eux qui invitent vers le message de la ilaha illallah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est clair? Donc ça, encore une fois, c'est de la valeur, voyez-vous. Imagine si toi, comme ça, on va t'envoyer un jour comme ça, il y a quelque chose de grand, un grand événement. Comme ils disent... C'est comme ils disent parfois, c'est le procès du siècle, n'est-ce pas? Quelque chose de sérieux là, quelque chose de très grand. C'est quelque chose qui va être à la une des médias, etc. On va parler de telle question. Est-ce que telle personne est coupable ou bien elle n'est pas coupable? Et imagine si toi, comme ça, tu vas ouvrir ta boîte aux lettres, on t'envoie une lettre. On va te dire, on te demande de venir témoigner au grand procès. C'est le grand procès et tu vas être le témoin principal. Comment est-ce que tu vas te ressentir? Ça veut dire que c'est toi qui vas faire la différence. Ça veut dire que tu portes quelque chose de si précieux à l'intérieur de toi-même. Que dire quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que toi, tu vas témoigner de la ilaha illallah? C'est parce que tu mérites en quelque sorte de faire partie des gens de la connaissance d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Il dit subhanahu wa ta'ala, dit, sont-ils égaux? Ça veut dire, il n'y a pas d'égalité ici, n'est-ce pas? Pas égalité, égalité entre hommes et femmes, etc. قل هل يستوي, ils ne sont pas égaux, qui? الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Ceux qui ont la connaissance et ceux qui n'ont pas la connaissance. Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Ça ne serait pas logique, ça ne serait pas juste de dire qu'ils sont égaux, voyez-vous? Et ça, c'est une chose importante, encore une fois. De nos jours, c'est parce que quand on parle de l'égalité entre les êtres humains, etc., bien sûr, il y a l'égalité dans l'accès, en quelque sorte, au droit de l'être humain en tant que tel, l'accès à la liberté, au respect, à la dignité, etc., la justice, ça c'est égal entre les personnes. Mais il y a dans certaines choses où les gens, ils mélangent quand ils parlent de l'égalité, quand on parle, par exemple, de la liberté d'expression, de t'exprimer sur n'importe quelle chose. Est-ce que ça serait juste de dire que quand on a une personne ici qui est malade, qui est souffrante, qui est mourante comme ça, on va avoir un docteur comme ça, un grand expert reconnu mondialement, on va dire ça c'est le plus grand spécialiste, une personne qui a écrit plusieurs livres sur ce sujet-là, qui va venir, qui va dire, telle personne, on devrait lui faire telle et telle et telle et telle chose, on va dire, ok, t'arrêtes maintenant s'il te plaît, on t'a donné 5 minutes, tu as parlé, maintenant c'est mon tour, je parle moi 5 minutes. C'est mon droit. Je suis égal à toi. Je vais parler aussi, moi, 5 minutes. Et un autre frère, il va dire, moi aussi, je veux parler. Et un autre, 5 minutes, etc., etc., etc. Est-ce que ça serait, est-ce que c'est quelque chose qui est juste? Ce n'est pas juste, voyez-vous. Donc, en termes de connaissance, on devrait mettre la personne à sa bonne place. Dépendamment du degré de sa connaissance, elle parle et elle est en quelque sorte qualifiée pour parler de certaines choses. C'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont la connaissance et ceux qui n'ont pas la connaissance. Et dans un autre verset, inshallah ta'ala, notre 7 minutes et on va inshallah ta'ala finir avec cette première partie inshallah ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun ». Alors, demandez, questionnez, référez-vous à qui? À ahlu al-dhikr, les gens de la connaissance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous ne savez pas. Ça veut dire, c'est quoi? Ici, c'est, n'est-ce pas, au sens informatique, pour ceux qui aiment un peu faire des programmes informatiques comme ça, etc., la logique mathématique en quelque sorte. « In kuntum la ta'lamoun », si vous ne savez pas, quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu dois faire? If, then. Si, alors, n'est-ce pas? Si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu inventes une réponse? Tu restes dans l'ignorance? Non. Il dit, subhanahu wa ta'ala, fas'alou ahla al-dhikr. Tu dois te référer aux savant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te dire, voyez-vous, c'est une chose qu'on entend, je suis certain que vous avez déjà entendu parler de ça de nos jours, encore une fois des musulmans comme ça, qui veulent trouver une excuse pour ne pas pratiquer certaines parties de l'islam. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne sais pas, chacun ce qu'il dit là. Chacun il fait sa propre interprétation. Mon père il me disait telle chose, mais juste hier je parlais avec mon voisin, il m'a dit autre chose et tu ne sais pas. C'est vrai, c'est le Coran, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de nos jours tu ne sais plus. Voyez-vous, ça c'est une. Certaines personnes veulent utiliser ça comme une excuse pour te dire que ça y est, le prophète alayhi salatu wasalam, il n'est plus avec nous, on n'a pas un prophète de nos jours. Ça y est, le livre il est là, mais on ne sait plus, etc. Non, ça c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit. Puisque le prophète alayhi salatu wasalam, n'est plus avec nous, on n'a pas de prophète, on se réfère à qui après les prophètes alayhi salam, fas'alou ahla dhikr, tu dois te référer aux gens de Al-Qur'an Al-Karim, ça veut dire ceux qui comprennent Qur'an Al-Karim, pas ceux qui connaissent seulement Qur'an Al-Karim par cœur, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Et ça, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire on a l'ordre de questionner les ulama, les savants, quand on a besoin d'apprendre. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui croyez, obéissez Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, et obéissez au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que, regardez, on obéit à Allah, on obéit au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que أولي الأمر منكم, ceux qui représentent votre vos personnes de référence, vos personnalités de référence. Ulul Amr. C'est qui Ulul Amr? Comme les ulama, ils ont dit, c'est les dirigeants, ça veut dire ceux qui sont des dirigeants, qui sont en quelque sorte reconnus, ainsi que, avant ça même, al-ulama. Humul ulama ou al-umara, les savants. Et c'est pour ça que, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit obéir aux dirigeants qui est digne bien sûr de son poste, qui est représentatif, qui est officiel en termes de conditions de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le dirigeant, il doit obéir aux savants. Le dirigeant doit obéir aux ulama, aux savants, ça veut dire que les savants, comme on va le voir inshallah ta'ala, parce qu'ils sont les héritiers des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé ce statut qu'ils doivent être les dirigeants de la Ummah jusqu'à la fin des temps. Et la Ummah doit toujours les prendre comme une référence. C'est pour ça que c'est très important. Voyez-vous, les gens ne connaissent pas ça de nos jours, n'est-ce pas? C'est une obligation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, tu vas te trouver avec un alim, avec un savant, quelqu'un que tu sais que c'est un savant, c'est pas personne de connaissance, imam de masjid, quelque chose, on parle d'un savant, d'un vrai personne de connaissance, que les gens le reconnaissent comme étant un alim. S'il te demande de faire quelque chose, tu dois lui obéir. Tout comme tu obéis à ton père. Bien sûr, fil ma'rouf, ici on ne parle pas c'est pas comme dans le soufisme, etc., où tu vas obéir, n'est-ce pas? Et comme ils disent, tu dois être avec ton cher comme un mort, comme un cadavre. N'est-ce pas? Non. Tu obéis à un cher, à un alim, dans al-ma'rouf. Voyez-vous, ça veut dire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la responsabilité, n'est-ce pas, de diriger sa communauté, ça veut dire les gens aussi ont l'obligation de l'écouter. Pas à chaque fois, il va dire « Ok, on va faire telle chose et telle chose et telle chose. » Il va dire « Oh, je ne suis pas d'accord, j'ai pas vraiment le goût, etc. » Dans Al-Ma'ruf, tant que ce n'est pas quelque chose qui est haram, tant que c'est quelque chose qui est raisonnable, qui est dans tes capacités, tu dois lui obéir, tout comme tu obéis à ton père. Oui. Ça, on va parler de ça plus tard, inshallah ta'ala, quand on va parler de notre position envers les divergences, les khilaf entre l'ulama, etc. Mais brièvement, comme ça, pour ce qui est de Ramadan, ce n'est pas la même chose. C'est parce que la question de Ramadan, ce n'est pas vraiment un khilaf entre l'ulama. En général, c'est une divergence entre des institutions. Comme ici, si on parle ici en Occident, entre des mosquées, etc. Ça veut dire, dans la majorité des cas, ce n'est pas des personnes de connaissance ou de savoir, etc. C'est plus le directeur de la mosquée que, bon, lui, dans sa mosquée, ils se sont déjà entendu, ça fait longtemps, à toujours suivre l'Arabie Saoudite, et l'autre dans sa mosquée va dire, ah non, chez moi la mosquée, ils veulent suivre le Maroc, etc., ils ne veulent pas s'entendre. C'est plus ce genre de situation qu'une question de ulama ou bien de savoir. Oui. Si je comprends pas, quand tu dis les ulama, ils ont plus d'importance Oui, exactement. Pour le chef d'État en tant que tel, lui, il doit obéir aux ulama. Ça veut dire, si les savants, ils ordonnent à un chef d'État, parce que regardez, le chef d'État, même en islam, ça, ce n'est pas juste quelque chose qui est de nos jours comme ça, parce qu'on a tendance, en quelque sorte, à ne pas comprendre, n'est-ce pas, et à ne pas nous intéresser, parce que ça nous semble pas intéressant, et ça semble à certaines personnes aussi comme étant une zone comme ça interdite, que tu ne devrais pas approcher, etc., n'est-ce pas? On a tendance à sous-estimer et à ne pas connaître, à ignorer les règles politiques de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire la politique en islam. Alors que tout ça, c'est détaillé. Même en islam, il y a tout. Ça te parle, le dirigeant, c'est quoi ses droits, ses obligations, ses limites, etc., etc. Et si tu vas comparer le rôle d'un dirigeant, d'un chef d'État en islam, tu vas voir que c'est très apparenté au rôle exécutif qui lui est accordé dans ce qu'on appelle des sociétés civiles de nos jours, n'est-ce pas? Même dans ça, c'est depuis le temps du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas quelque chose nous qu'on vient d'apprendre avec n'est-ce pas le monde qui a évolué, etc. C'est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire un chef d'État, il a un rôle qui est exécutif. Il est là pour exécuter, pour diriger. Voyez-vous, c'est comme ici par exemple dans un tel pays. Le chef d'État n'est pas un roi, c'est pas un seigneur là, c'est pas il fait ce qu'il veut dans son pays. Voyez-vous, en islam, un chef d'État c'est un représentant, wakilun alil umma, c'est comme un employé pour la umma. La umma lui dit, ok, toi, parce qu'on a besoin de quelqu'un comme ça qui va tout coordonner, toi on te donne le droit, on va te prendre en charge financièrement, ton salaire, etc. Mais toi on va te donner certains droits qui sont exclusif, que toi tu peux donner des ordres, tu vas diriger les armées, etc., etc. Mais c'est dans un certain cadre, ça veut dire dans un cadre qui est exécutif. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, voyez-vous? Et comme dans les sociétés civiles de nos jours, on a aussi le pouvoir qui est, qu'est-ce qu'on a? Pouvoir exécutif et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pouvoir législatif, voyez-vous? Pouvoir législatif, ça veut dire ce qu'on appelle de nos jours les parlements, le Sénat, etc. Ça veut dire les gens qui font les lois, voyez-vous? Ça veut dire de nos jours un chef d'État, il fait pas ce qu'il veut. Il va pas dire, ah, moi je vais, je sais pas moi, je vais construire une nouvelle ville avec 50 milliards de dollars, comme ça. J'ai eu une idée hier soir, un rêve, je veux le concrétiser. Est-ce qu'il peut le faire? Non, il devra passer par pouvoir législatif qui va en quelque sorte lui donner le droit. Il va approuver ça, il va dire ça va avec nos valeurs, ça ne va pas avec nos valeurs. En islam, on n'a pas vraiment de pouvoir législatif au sens linguistique du terme. C'est parce que la législation nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas les gens qui font leur propre législation. Mais si on compare en termes de fonction, le pouvoir législatif en islam, c'est les ulama. C'est parce que eux, leur rôle, ce n'est pas de faire des législations, mais c'est d'interpréter, de nous montrer c'est quoi? La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est telle et telle et telle chose. Ce qu'il n'a pas, c'est telle et telle et telle chose. Est-ce que dans le temps du khilafat d'Omar, est-ce que c'était la même chose que comme aujourd'hui? Il y avait un Sénat, il y avait Majlis Shura, puis il y Taïb. Bonne question. Lors du temps de Omar radiyallahu ta'ala, à nous en tant que calife, première chose, j'aimerais juste mentionner une autre chose que j'avais oublié de mentionner, c'est bien que tu me l'as rappelé. Il y a certaines exceptions pour ce qui est du pouvoir du chef d'État. Ces exceptions-là s'appliquent quand le chef en islam, quand notre dirigeant, lui-même c'est un mujtahid, ça veut dire c'est un alim, c'est un savant qui a atteint le degré de ijtihad, c'est un savant qui est. C'est le haut de la connaissance, voyez-vous? Là, il va avoir un peu plus de pouvoir, surtout dans les questions, par exemple, personnelles, etc., les questions de justice, etc. C'est pour ça, si tu vas lire, par exemple, lors du temps de Omar radiallahu anhu, quand Omar radiallahu anhu, il y a deux personnes qui vont venir vers lui, n'est-ce pas, pour se plaindre, ils ont un problème, un conflit entre elles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trancher direct, il va dire, ah, hakama bikada, ça veut dire, il va être lui-même le juge. Pourquoi? C'est parce que Omar radiallahu anhu, c'est le khulafa ar-rashidin, c'est le deuxième des meilleurs compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, après Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Ça veut dire, Omar radiallahu anhu, c'est un savant par lui-même, c'est un mujtahid, voyez-vous? Mais malgré ça, oui, lors du temps de Omar radiallahu ta'ala anhu, il avait ashabu ash-shura, ça veut dire, parfois, il rassemblait quand il y avait des choses qui étaient sérieuses. Ça veut dire, il y a des choses qui ne touchent pas à deux personnes, trois personnes. Ça touche à l'avenir de la communauté. Ça veut dire, commencer une guerre, arrêter une guerre, faire la paix, ne pas faire la paix, ça, c'est des choses qui touchent à tout le monde, ça ne peut pas venir d'une décision d'une personne comme ça qui dit « Ah, j'aimerais ça faire une guerre, on va faire une guerre. J'aimerais ça faire la paix, on va faire la paix. » Voyez-vous? Ce n'est pas raisonnable. Alors, Omar radiallahu ta'ala anhu, parfois, il va rassembler al-muhajirin, qui sont les meilleurs des compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, pour prendre leur opinion. Et parfois, il va prendre spécifiquement les gens de Ahlu Badr, les gens de Badr, de la bataille de Badr, pour prendre leur opinion. Et parfois, il va prendre aussi Al-Ansar, n'est-ce pas? Etc, etc. Ça veut dire, dépendamment de la question en tant que telle, il va, en quelque sorte, limiter ou bien faire agrandir son cercle de consultation. Mais comme j'ai dit, en islam, ça reste que c'est Al-ulama, que c'est les savants en tant que tels qui devraient être la référence. Inch'Allah, donnez-moi juste, on a juste deux versets à finir. Inch'Allah, après ça, s'il y a d'autres questions, on pourra les prendre, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u allaha, wa ati'u rasoula wa uli l'amri minkum. » Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez au prophète alayhi salatu wasalam, ainsi qu'aux gens qui devraient représenter vos références en quelque sorte. Et c'est la même chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, regardez ici juste une petite comme ça pour donner, parce que bien sûr il y a des personnes et c'est bien qui demandent toujours comme ça des preuves, n'est-ce pas? C'est l'un des commentaires qu'on a eu la dernière fois quand on a fait le sondage après le dernier séminaire. Il y a des personnes qui ont demandé de toujours mentionner les citations des savants. Ça veut dire telle chose, voilà, citation, telle chose. Ça serait idéal de le faire, mais première chose, malheureusement, les citations des ulama sont toutes en arabe, donc ça va nous prendre tout un travail pour traduire le tout, donc ça va allonger en quelque sorte la durée du séminaire en tant que tel, ça va être trois multiples au moins, voyez-vous, en plus du fait que ça va être très agaçant pour les personnes qui ne comprennent pas l'arabe, chaque fois d'écouter comme ça, cinq lignes en arabe et après ça la traduction, etc., ce n'est pas quelque chose qui est en quelque sorte facile à prendre, mais comme on le mentionne, à chaque fois, vous avez toujours les références, ça veut dire les livres de référence utilisés pour chaque séminaire. Les personnes qui lisent l'arabe, qui veulent s'approfondir, inshallah ta'ala, vous avez les livres auxquels vous pouvez revenir et trouver tout ce qu'on est en train de mentionner. Mais ici, regardez l'imam al-Barawi, rahimahullah ta'ala, quand il a mentionné ce verset, « Ulul Amri », les gens de référence, c'est qui? Il dit « Qala ibn Abbas wa Jabir, radiyallahu ta'ala anhumah ». Deux compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi, ils ont dit « Ulul Amri », c'est qui? Ils ont dit « Hum al-fuqaha ou al-ulama ». C'est les savants et les juristes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset aussi, « وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » Allah subhanahu wa ta'ala parle ici des, encore une fois, situation équivoque. Quand tu es dans le trouble, n'est-ce pas? Quand il y a quelque chose de sérieux qui arrive, encore une fois, un conflit, une guerre, n'importe quelle chose qui fait les gens parler, voyez-vous? Ça, on voit ça de nos jours. Voyez-vous, peut-être, nous, on est un peu éloignés, n'est-ce pas? Mais si on vivait dans un pays musulman, dans la situation et le contexte d'instabilité de nos jours, ça, tu vas voir ça à chaque jour. Les gens, ils vont te dire, demain, il paraît que demain, il faut sortir dans une manifestation. Il faut aller faire une manifestation contre telle chose, contre telle loi. Non, il faudrait faire une manifestation contraire aux autres. Il faut aller faire une en quelque sorte, n'est-ce pas, une manifestation qui est opposée, etc. Et celui qui sort pas, c'est un traître. Et l'autre, il te dit, non, tu dois être avec nous, etc. Toi, tu vas être perdu. Voyez-vous, tu vas être perdu. Qu'est-ce que tu fais dans ce genre de situation? Il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Et s'il s'était référé au prophète عليه الصلاة والسلام, ainsi que à ceux qui ont ulul amr, ça veut dire encore une fois les ulama et les dirigeants, ça veut dire les dirigeants encore une fois, les vrais dirigeants, ça veut dire qu'ils sont reconnus selon la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. C'est pas pour les dirigeants qui passent leur vie en Europe à, n'est-ce pas, à prendre des grosses bouteilles d'alcool, etc. Les gens sont en train de mourir par des centaines. C'est certainement pas lui qui va te donner la réponse à ta question. Deux versets comme ça, rapidement, Inch'Allah. Je sais qu'on a pris pas mal de temps, mais juste Inch'Allah pour finir. Regardez ce verset qui nous renseigne sur la valeur et l'importance de la connaissance, mais de façon indirecte. Écoutez bien ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yas'alunaka mada uhilla lahum. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يَسْأَلُونَكَ مَذَا أُحِلَّ لَهُمْ. Il te questionne, il questionne le prophète alayhi salatu wasalam sur le halal, question la nourriture halal, n'est-ce pas, la viande halal, question la plus populaire. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui n'est pas halal? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle en termes de la chasse, as-sayd. As-sayd, ça veut dire il y a des animaux que tu ne peux pas attraper et sacrifier, comme un mouton, etc. Ça, c'est facile. C'est un mouton, n'est-ce pas, yuqad? C'est un animal qui, de par sa nature, il va rester auprès de toi, etc. Il y a des animaux qui s'évadent, ça veut dire la seule façon pour l'avoir, c'est par la chasse, voyez-vous? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si tu as un animal, min al-jawarihi mukallibina, comme ici les ulama, ils ont dit al-jawarih, ici ça parle des chiens, ça veut dire un chien de chasse. Ici Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si ton chien, il va attraper l'animal, si lui il va trouver l'animal, lui il va te le trouver pour toi, mettons toi, tu as envoyé ta flèche comme ça, tu étais dans la forêt, après ça tu ne sais plus l'animal il est où, voyez-vous? Et ton chien, il va le localiser. Tu peux le manger, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, à condition. مُعَلِّمِينَ, ça veut dire ici, le chien doit être un chien qui est connaisseur. Ça veut dire, les ulama, ils ont pris de ce hukm-là, dans ce verset-là, ils ont dit que pour que l'animal que le chien va attraper pour toi soit halal pour toi, quand tu es en train de faire la chasse, l'une des conditions, c'est que ton chien soit un chien qui est connaisseur. Ça veut dire que tu l'as entraîné. Ça veut dire que s'il n'a pas de ilm, quand il attrape pour toi, ce n'est pas halal. Voyez-vous donc, ici même, Allah subhanahu wa ta'ala, même pour un chien, il a distingué entre un chien qui a la connaissance et un chien qui n'a pas la connaissance. Voyez-vous? Et dans un dernier verset, inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » Il dit Allah subhanahu wa ta'ala que lui, il accorde al-hikma, il accorde la sagesse à ceux que lui, il veut, subhanahu wa ta'ala. « وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ » Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne al-hikma, alors, فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un grand bien. C'est une grande richesse que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. C'est quoi l'hikma ici dans ce verset? Imam al-Mujahid ibn Jabr, l'un des ulama de tafsir, il a dit هِيَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ وَالْفِقْهُ. C'est le Coran et la connaissance et la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne une chose pareille, c'est un grand don que tu viens de recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus important que l'argent et que la richesse et que la santé et que plus que toute autre chose. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter à ce point, inch'Allah ta'ala. Les questions sur ce qu'on vient de mentionner, on va les laisser pour la séance juste après. Bi'idnillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.